more, cause you are the best. Yes, you are. Get on top. FM avec Prince et Cream. Et si vous êtes fou de Ice Cream, eh bien j'ai vu dans une petite boulangerie à Paris justement des glaces aux plantes. C'est exceptionnel. Alors il y a des glaces à la verveine, des glaces à la fleur d'oranger. C'est, j'ai pas osé goûter, mais ça doit être assez particulier. Oui. Donc maintenant, une nouvelle façon de se soigner par les glaces. Le tome 2 de Rick Azaray. RFM, Bob Marley 77 avec une maxime bien à lui. Il disait « Si l'herbe de tes pieds est foulée, sache que c'est autant de rêves gaspillés. » C'est peut-être aussi pour ça que chez lui, il y avait des graviers. Hein. Une Opel Vectra turbo-diesel, je vois que le business va bien. Très, très bien. D'ailleurs, je viens de conclure une très bonne affaire. Ah oui ? Avec qui ? Avec des Allemands. Non, quel genre ? Eh bien, une Vectra turbo-diesel à moins de 100 000 francs. Jusqu'au 20 décembre, l'Opel Vectra GL turbo-diesel est à 99 900 francs. C'est à prendre et à ne pas laisser. RFM présente Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra, le groupe mythique des années 80. Electric Light Orchestra, 19 standards rock incontournables, disponibles en CD et cassette. Electric Light Orchestra avec RFM. Voici comment j'ai découvert mon café Lavazza. Un jour, j'ai interrogé un ami sur le plaisir qu'il avait à boire son café. Je lui ai demandé pourquoi il humait avec tant de plaisir ce café. Il ne répondait pas. Il buvait son café à petites gorgées, comme s'il éprouvait une infinité de sensations. J'ai insisté, il m'a souri en me tendant une tasse de Lavazza. Café Luigi Lavazza. Bien choisir, bien vivre. Soyez les bienvenus, messieurs. Je me nomme John Steed. Chapeau melon et bottes de cuir, enfin disponibles en vidéo. Oh, Steed, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis à la poursuite d'une bête enragée. John Steed, Emma Peel, Tara King sont de retour en cassette vidéo et coffret 3 cassettes. Oh, je vous reconnaîtrais sous n'importe quelle déguise. Mais à quoi ? C'est qu'à la forme de la tête qui rappelle celle du Pithecanthropus erectus. C'est de la famille. Retrouvez l'âge d'or de chapeau melon et bottes de cuir dès maintenant en vidéo. En décembre, la défense aura des oreilles. Le 1er décembre, Mickey vient au centre commercial des Quatre Temps. Du château de la Belle au Bois Dormant à la Caverne des Merveilles, tout l'univers d'Euro Disney recréé pour vous avec des décors fantastiques. En décembre, Euro Disney est aux Quatre Temps avec RFM et vous offre 20 séjours pour 4 personnes dans un des hôtels à thème du parc Euro Disneyland. Bulletin jeu est retiré dans tous les magasins du centre commercial du 1er au 24 décembre. RFM. Thank you. FM à Paris, en Ile-de-France, sur 139. Au niveau de la circulation, c'est un petit peu débloqué. Mais attention, j'ai dit un petit peu. Hein. Sur le périph' extérieur, 4 km entre la porte de Bagnolet et la porte de Pantin. Sur le périph' intérieur, il y en a 8 de la porte de Bagnolet à la porte d'Ivry. 9 de la porte d'Orléans à la porte de la Muette. Et 10 de la porte de la Muette à la porte de Gentilly. Dans le sens Province-Paris, sur la A4, 15 km entre Noisy-le-Grand et la porte de Bercy. Et sur la A13, 20 km entre Poissy et la sortie du tunnel de Saint-Cloud. Sinon, je regarde. Oui, c'est à peu près tout. RFM après la fougue mâle, voici la sensualité et l'amour. Ciné de Connor, et j'ai vu en photo cette belle personne dernièrement, elle s'est laissée pousser un peu les cheveux. Ça gratte maintenant. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. Since you've been gone. And that madness, oh. politicians. At this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. Magazine de la planche à voile présente In Extreme Glisse, le son de toutes les glisses sur RFM. Salut, c'est Fabrice Lécuyer. Enroué un peu. Oui, hein. Ça c'est vrai. Enroué. Du 3 au 13 décembre, les bateaux, les marins, les mouettes et les bigorneaux vous donnent rendez-vous au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le 33e Salon Nautique. Rendez-vous ce week-end à midi et à 16h en direct et en public du stand RFM avec les produits laitiers pour un In Extreme Glisse spécial Salon Nautique. Vous écoutez RFM, il est 11h. Le monde en 80 secondes, Jean Béguin. Et une extrême glisse, c'est aujourd'hui, puisque le gel bloque ce matin une partie de la circulation routière en Île-de-France et dans le nord du pays. Le trafic est interrompu aux aéroports de Roissy et d'Orly, mais aussi à l'aéroport de Lille. Autres régions touchées, la Champagne, la Bourgogne, le Pays de Loire et le Poitou-Charente. Le Centre national d'information routière précise que la perturbation se déplace vers l'est. Problème de circulation prévisible dans cette région, donc plus tard dans la journée. Le procès de Jean-Marie Villemain à Muriel Boll, considéré comme le témoin capital, est arrivé ce matin pour le début de son audition qui va durer 5 jours. Le président du tribunal appelle chacun à la sagesse dans une déclaration qu'il a voulu solennelle. Une centaine de maraîchers nantais bloquent depuis 8h30 du matin avec des camions le pont de Bellevue qui enjambe la Loire à l'est de Nantes. Ils réclament le droit d'extraire dans le fleuve du sable qu'ils estiment nécessaire à leur culture. Le Conseil des ministres planche ce matin sur les conséquences des intempéries dans le sud de la France. Conseil avancé à aujourd'hui en raison du sommet franco-allemand dont le coup d'envoi est donné cet après-midi à Bonn, 62e sommet franco-allemand. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin ordonne à l'armée de calmer le jeu dans les territoires occupés tout en continuant sa traque contre les Palestiniens recherchés. Yitzhak Rabin est à Paris. Il a déclaré ce matin au cours d'un entretien avec Édouard Balladur qu'Israël était déterminé à aller de l'avant dans le processus de paix. Enfin, la police galloise n'a plus les moyens de protéger la famille royale britannique à cause de restrictions budgétaires. Les responsables de la police du sud du Pays de Galles demandent un report de tous les voyages de la famille royale. 19 visites sont prévues jusqu'au mois d'avril. Il faut dire que maintenant, Lady Di et le prince Charles voyagent séparément. Thierry Legrand avec Men at Work sur RFM après ça. Avec RFM, Blues Feeling. L'esprit du blues taillé dans le rock. Blues Feeling en CD et cassette. A fighter come on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? A women go and I'm bread from a man in Brussels. He was so RFM, Men at Work, chez 83 Down Under, et on continue avec le Canadien Brian Adams, Please Forgive Me. S'il vient pas en France, c'est peut-être parce que 89% des Québécoises font des rêves érotiques et 30% prétendent même atteindre l'orgasme en dormant. Voyez-vous, donc, il reste là-bas pour voir ce qui s'y passe et si c'est vrai. Still feels like a first night together. Breakfast. jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une lame sur mes joues. Et le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend, et le moteur que j'allume m'aide à prendre lentement, prendre ma place dans le trafic, à prendre ma place dans le trafic. J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de mes promesses à tous ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic, à prendre ma place dans le trafic. Et quand je veux parler à personne, quand j'ai le blues